L'entretien du porte-parole du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée, les menaces et chantages nucléaires croissants des États-Unis banditistes provoqueront les représailles nucléaires impitoyables et justes et reproduits en intégrale ou en résumé par les médias étrangers du 20 au 22 juin. Ce sont le journal iranien Kayan International, l'agence de presse cubaine Prensa Latina, les journaux chinois Yandian Libao et Liaoning Libao et le site d'internet du Comité national nigérien d'études du kimsunisme Kim Jong-ilisme, du Comité national d'études des idées du Tutsi du Congo démocratique et du Forum allemand anti-impérialiste.